mental, bouddhique, divin exprimé dans l'homme. Sinon, qu'est-ce que la conscience? La conscience est exclusivement la perception instantanée d'un événement instantané à partir d'une mémoire instantanée de la perception instantanée. Voilà. Ça, c'est la conscience. Donc, ce n'est pas une triunité exprimée à l'intérieur de l'homme. La conscience, c'est lorsque l'instantané, instantanément, décode ou perçoit l'expression instantanée de son instantanéité. C'est de la conscience. C'est ça, savoir. La conscience qui intègre des incarnations le fait sur le plan astral. Pendant ce cheminement, qu'est-ce qui s'anime pour le même être sur ces autres plans? Bon, les autres plans sont le plan physique, ça reste encore une réincarnation biologique qui se fait en même temps. Au niveau du plan supramental, c'est l'esprit. Un peu partout à travers la planète, depuis un mois, différents événements tragiques ont sensibilisé des millions d'individus sur le fait que ça va mal. Ça va pas mal. Ces événements sont-ils un karma collectif ou les prémices de la fin de l'été des Indiens dont tu as déjà parlé? Bon, l'été des Indiens commence à peine. Il y a toujours des petites soirées froides dans l'été des Indiens. L'URSS a un immense karma collectif. Alors, il y a eu une petite purge en Arménie, ce qui a fait que l'Arménie a supporté une partie du karma collectif de l'URSS, libérant un peu l'URSS pour lui permettre de continuer son cheminement. Alors, c'est un karma collectif, ça va de soi, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. L'été des Indiens s'applique-t-elle à l'échelle de la planète ou... L'été des Indiens s'applique à l'échelle de toutes les structures humaines qui sont suffisamment évoluées industriellement, donc surtout à la partie nord planétaire de la planète. Surtout. Ça veut dire que l'URSS, les États-Unis, entre autres, une partie de la Chine, le Japon, l'Europe, le Canada, en gros, font partie de ce qu'il y aura comme été des Indiens. Parce que de toute façon, la catastrophe majeure qui peut arriver est déterminée par eux. Tant qu'eux sont en vacances, on peut dire que tout le monde l'est, mais les pays sous-développés, leur été des Indiens, et là, simplement, qu'ils vont continuer à crever de faim. Mais pour, les plantes ne peuvent pas pousser pendant ce temps-là. Là. Alors, l'été des Indiens va durer un laps de temps, qui va être un peu plus long pour certains pays, en l'occurrence pour le Québec. Et il y a des possibilités encore dans l'avenir qu'il y ait une conflagration mondiale, mais ce n'est pas nécessaire, pas essentiel. Mais il y a des grosses probabilités. Il est dit que celui qui aura tous les pouvoirs reviendra sur la Terre et qu'il aura autorité sur les extraterrestres qui seront obligés de traiter avec lui. Oui, développe. C'est bien. Développe. Développe, développez quoi? Bon, il est dit que celui qui aura tous les pouvoirs reviendra sur la Terre et qu'il aura autorité sur les extraterrestres qui seront obligés de traiter avec lui. Bon, il est dit bien des choses, remarquez bien, mais c'est bien évident. On va la mettre ici. Et on passe le reste parce que si je développe là-dessus, on ne développera pas ces autres. Quel est ce procédé d'un être initié descendant par rapport à un initié ascendant et dont l'ensemble s'accorde sur un groupe d'humains? L'initié ascendant est totalement ajusté à l'humain et il est en train d'apprendre. L'initié descendant est totalement ajusté à ce qui est en haut de l'humain et ne comprend pas l'humain. Normalement, on va travailler ensemble sur le même peuple, c'est-à-dire que celui qui descend va transposer ses connaissances, son savoir sur celui qui est ascendant. Et il y aura donc un aide. Pendant ce temps-là, celui qui descend sera aidé par celui qui monte. Et il y a bien souvent des fusions qui se font entre les deux corps, de façon à bloquer l'involution de l'un. L'initié descendant n'est simplement pas initié au règne de l'homme. L'initié ascendant doit se réinitier au règne extra-humain. Est-ce essentiel de connaître la source de son esprit puisque l'inidentité élève les vibrations? Connaître la source du point de vue supramental, c'est utile. Connaître la source du point de vue astral, c'est nuisible. Quel est ce nouveau phénomène qui fait que je me sens souvent vivre dans des espaces-temps différents tout en observant le temps présent? Ben oui, ben on appelle ça une expansion de conscience. Ou être dans l'eau? Non. Que signifie concrètement le fait que l'initiation solaire est différente en fonction du karma individuel? Est-ce juste de dire qu'il n'y a plus de karma individuel de basse condition lorsque l'ego ne colle pas à un karma relatif? Presque. Il reste encore des petites parties, mais c'est presque juste de le dire, oui. La majorité du karma qui va rester est pas mal collectif. Entrer en transe pour explorer des mondes nouveaux peut-il aider les neurones à se développer? ou nuire? Si oui, comment? Bon, ça ne peut pas aider. Ça peut nuire. Premièrement, ça va nuire du point de vue astral parce que tu risques de fouiller dans des mondes qui sont tellement loin de ta réalité évolutionnaire que finalement, ça t'apporte de l'information qui ne va faire que colorer ce que tu peux percevoir du monde réel. Deuxièmement, au niveau neuronique, étant donné qu'il peut y avoir à un moment donné des crises entre ta perception en transe et la perception hors transe, ça peut lentement endommager le système cérébral. Surtout que la perception en transe est une perception qui n'est pas supramentale, donc elle n'est pas vouée à la cellularisation neuronique. Elle est vouée à la sécrétion endocrinienne, donc tu risques encore une fois de trop surénergiser ton corps physique par l'expression hormonale. Ça peut nuire. Il n'y a pas besoin de beaucoup de corps pour former des doubles. N'y aurait-il pas été plus écologique cosmiquement que la conscience se fasse supporter par peu de corps intelligents que par 5 milliards de corps dont les 9 dixièmes ne supportent de génération en génération, exemple Éthiopie, aucune intelligence, puisque les corps meurent avant même d'avoir eu la conscience d'être là? Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas plus économique en énergie pour la simple raison que si on envoie un faisceau d'eau, moi, ce que je veux faire, c'est que vous êtes debout et ce que je veux faire, c'est que je veux que vos yeux soient dans l'eau. Je veux vous noyer. Alors, j'allume les gicleurs. C'est bien évident que si l'eau qui tombe des gicleurs arrête à votre nez puis vous le respirez, vous êtes noyé. C'est tellement plus économique. La problématique, c'est que la mécanique planétaire va faire que l'eau va tomber à terre. Il va falloir que je remplisse toute la salle au complet avant de pouvoir vous noyer. C'est le même phénomène au niveau de l'évolution. C'est évident que du point de vue de l'humain qui ne comprend pas la mécanique, il va dire, ben oui, mais crime, c'est possiblement plus intéressant, beaucoup plus économique en énergie ou écologique de faire en sorte que l'eau tombe au niveau de l'œil, ben noyé. Ouais, mais ça se fait pas comme ça. La mécanique n'est pas question d'intentionnalité. L'intelligence se développe à partir de l'harmonie créationnelle. Donc, l'intelligence doit s'ajuster à la mécanique des créations. Finalement, toutes les réincarnations sont des excarnations. Y a-t-il des incarnations qui ne sont pas des réincarnations? Non. Explique l'incarnation qui, par la mort, se dissout chez plusieurs personnes par rapport à une autre incarnation qui se dissout lentement. Quelqu'un comme Pélado vibre beaucoup les œuvres de Beethoven, est une incarnation de psychologie puisque l'un d'eux ne connaît pas la musique. Bon, la question est assez... Donc, la parole juste manque un petit peu. Explique l'incarnation qui, par la mort, se dissout chez plusieurs personnes. Bon, alors, on a un individu qui meurt. Par exemple, on a eu René Lévesque qui meurt et qui est absorbé par les gens qui en ont besoin. Il y en a d'autres personnages qui sont totalement ignorés des gens. Il y en a d'autres qui sont jalousés par les gens tellement haïs qu'ils ne sont pas absorbés, mais ils sont retenus proches du plan planétaire. Ça engendre des fantômes. Ils ne sont pas absorbés, mais ils sont retenus. On les haït, on les absorbe pas, mais on pense à eux, on les empêche de s'en aller. Et, bon, si on regarde comme Pélado qui vit beaucoup les œuvres de Beethoven, est-ce qu'il est la réincarnation de Beethoven ou la réincarnation d'une personne qui a toujours suivi et écouté Beethoven, qui ne connaît peut-être pas la musique, il peut l'aimer? On se réincarne dans les mêmes lignées familiales. Habituellement, oui. Une famille adoptive est-elle une même lignée biologique familiale? Non. Par contre, l'enfant, s'il est adopté assez jeune, à un moment donné, il fait effectivement partie de cette lignée familiale. Cela veut dire que les descendants de la famille pourront se réincarner dans les siens. Si deux personnes meurent ensemble près de l'autre, leur égrégore va-t-il se mélanger même s'ils ne sont pas du même faisceau espritique? Non, ils vont gagner le plan moronciel et ils vont atteindre le monde de la mort selon les guides de lumière qui vont les amener. S'ils ont des affinités ensemble, il y aura des autodigestions. Sinon, ça ne dérangera rien, ils ne se verront plus. Dans ma conscience, présentement, on m'incite à déménager. Tu as expliqué un peu ce que ça pouvait signifier. Ça signifie qu'il faut faire venir un camion, il faut pacter les affaires. Est-ce que dans ma maison, il y a des choses qui me gardent dans de vieilles énergies et je dois trancher avec le monde ancien pour exprimer du neuf? C'est à la personne de vérifier, parce qu'étant donné qu'elle me pose une question qui pourrait, selon la réponse, déterminer un mouvement chez elle, c'est à elle de décider ce qu'elle doit faire à partir des connaissances qu'elle a, ou de poser une question à un moment donné qui est un peu plus impersonnelle. De cette façon-là, je pourrais répondre à l'impersonnalité, puis elle pourra l'adapter à elle. Alors, c'est évident que dans les maisons, il y a des choses qui peuvent nous nuire du point de vue du fait qu'elles nous attachent aux archétypes, ainsi qu'à un karma qui ne nous appartient plus. Mieux vaut être assujetti à un karma de l'avenir qu'à un karma collectif du passé. Quelles sont les émotions, les sentiments d'amour et d'émerveillement qui aident à construire le double éthéré? Aucune émotion, mais effectivement, les sentiments, ça, j'ai rien contre, ça construit le double éthérique. On a eu une conférence dernièrement, au-delà de l'émotion, le sentiment, où on expliquait justement de quelle façon le sentiment nourrissait, où on expliquait aussi de quelle façon parvenir à se nourrir avec cette énergie-là, où on expliquait un paquet de choses qui seraient possiblement intéressantes à les réécouter. Il y a beaucoup de personnes qui vibrent et comprennent des choses, mais isolées, pourquoi cette difficulté à s'affilier? Est-ce que le projet OVSA sera repris? Quelque chose dans le genre, à un moment donné, c'est fortement possible. S'il y a suffisamment d'individus qui sont rendus à un niveau où cela peut se faire, maintenant, ça peut se faire après, les catastrophes futures, ça peut se faire avant, ça peut se faire pendant, ça sera déterminé par l'humain. Il y a beaucoup de personnes qui vibrent et comprennent des choses, mais isolées. Pourquoi cette difficulté à s'affilier? Pour la simple raison que dans la filiation entre les humains, il y a toujours le maudit archétype sur lequel on lutte, qui nous a collectivisé tant et tant, qui fait qu'à un moment donné, il y a une partie de l'ego qui maintenant instruit de l'individualité, a peur de mourir en se recollectivisant. Donc, il y a une guerre dans l'ego, une guerre interne, qui fait en sorte que le collectiviste se fait taper dedans par l'individualiste. Alors, l'individu a de la difficulté à sentir des gens se rapprocher, à parler. Par contre, ce qu'on doit comprendre, c'est comme j'expliquais à un moment donné à un certain groupe de gens, c'est que ce que je leur disais, c'était ceci. Cessez de faire comme si vous étiez entouré des gens qu'on retrouve sur la planète. Tu es entouré de gens qui sont intelligents. Fait que cesse de toujours penser que tu ne peux pas dire telle chose parce que les gens vont penser que tu veux dire ceci. Et à un moment donné, il faut quasiment se mettre en colère pour que l'ego finisse par comprendre que tu as lieu d'engagne ici, là, agis donc comme toi. Puis dehors, tu agiras différemment. La personne qui est isolée, elle a toujours l'impression, elle refuse de finir par supporter l'idée que d'autres individus peuvent être de son niveau. Une forme d'orgueil. Oui, mais là, tu dis que tu as vu un extraterrestre, mais tu sais, les gens vont finir par penser, « Colin, les gens ne penseront pas ça, c'est des gens brillants. » Ils ont un mental, puis ils vont eux-mêmes, le mental va déterminer si ça se peut ou si ça ne se peut pas. Il n'y a pas de danger. Si tu parlerais dans un public ordinaire, il y aurait du danger. Alors, l'individu est toujours confronté à penser que c'est un peu comme à un moment donné, il y a un individu avec qui je travaillais, je devais passer mon temps et dire, « Hey! » Ta gueule, j'ai compris. C'est à moi que tu parles. Fait que 10 ans, pas plus. Toujours en train d'en mettre, parce qu'il est habitué de travailler avec des gens qui ne comprennent jamais rien. Mais à un moment donné, il faut que tu lui dises. La personne, elle s'isole parce qu'elle est toujours confinée à penser qu'elle est toute seule. Alors, lorsqu'elle te rencontre, eh bien, à un moment donné, elle t'a vu rire avec quelqu'un. Fait qu'elle sait que t'es comme tout le monde. Puis là, elle n'ose pas te parler parce que tu vas émotiviser, tu vas sidétiser, tu vas faire un paquet de conneries. Tu n'es pas un humain normal. Elle peut parler avec toi, tu n'es pas un humain normal. Mais il y a des gens qui ne sont pas encore capables de comprendre, de supporter l'idée que tu n'es pas un humain normal. Oui, mais il marche comme un gars normal. Va donc parler avec tout ce qu'il fait. Il est encore ici, il suit encore, il n'est pas un humain normal. Fait que tu peux parler avec, il n'y a pas de danger. Quand il y a des choses que tu as à lui dire, dis-lui mental à mental. Oui, mais tu découvres qu'il se frustre. Il se frustrera pas, c'est pas un humain normal. Puis s'il se frustre, bien qu'il aille se faire foutre. On n'a plus rien à faire avec lui. C'est pas un humain normal. T'as pas de peur, pas de danger, vas-y. Celui qui reste isolé, c'est ça qui est son problème, c'est qu'égoïquement, il est convaincu que c'est le seul, qu'il n'est qu'un. Puis finalement, quand il approche de toi, il te communique comme les humains normaux le font. Fait que tu réponds ajusté à lui, puis là, il dit, ah ben gars, c'est un humain normal. Il dit bonjour. Tu sais, il dit bonjour, tu dis, gars, il dit bonjour, c'est un humain normal. Bon. Alors, c'est évident qu'il ne peut pas fonctionner autrement, mais s'il arrive à côté de toi, qu'il s'assoit, vous êtes tous les deux, vous ne dites pas un maudit mot, qu'il vive donc comme il est, comme il veut le vivre, puis qu'il se rapproche donc. Là, il va savoir comment que t'es. Il va finir par aimer ça comment que t'es. Il y a des individus, tu le sais d'ailleurs, il y en a d'autres qui le savent avec, c'est tous des individus supra-sauvages, qui présentement aiment bien être ensemble. Ils sont bien individuels. Mais c'est plaisant parce que c'est nourrissant. Ils ne sont pas collectifs, très individuels. Mais c'est tout du monde bien sauvage qui ont fini par accepter l'idée qu'en sauvage, on peut peut-être se prêter un 5$. Il n'y a pas de danger. Alors, l'individu qui est seul, qui voit un paquet de choses, c'est ça que son problème, c'est qu'elle n'arrive pas à être elle devant d'autres individus. Elle va se dire, oui, mais quand je suis moi au travail, les gens m'haïssent toutes. Fait que quand je viens ici, j'aime autant pas me faire haïr, fait que je reste comme ça. Bien, c'est ça. Tant qu'on pensait que t'es normal, il n'ira pas te voir, Puis tant que tu agis en normalité, on va agir avec toi comme si tu étais un être humain normal. Fait que tu continues à nous voir comme étant normal, parce qu'on se met au niveau de l'expression que tu amènes. Oui, mais si je commence à faire ça ici, même ici, ils vont m'haïr. T'es pas d'une gang de normaux, une gang de fous, ils pourront pas t'haïr. Ah, y a pas de danger. Ah, j'ai essayé une fois avec un tel. Ben oui, mais tu commences avec ce qu'il y a de pire dans la gang. Il n'y a pas de danger, c'est même très plaisant de finir par rencontrer des gens, connaître des gens. De temps en temps, je vais surtout au restaurant avec du monde. On parle de quoi? On n'a aucune idée de quoi on parle, mais c'est toujours énergisant. Puis quand quelqu'un veut s'en aller, il s'en va, puis ça finit là, puis c'est pas des humains normaux. Alors ça devient extrêmement énergisant. Quand je dis plaisant, c'est que ça nous nourrit, ça nous relaxe. Ça sert à rien d'être isolé. Tu viens, tu ne dis pas un mot, dix mots. C'est parce que tu aimes rien dire, aucun problème. Puis il n'y a pas un qui va dire quelque chose. S'il y en a un moment donné, tu lui dis « j'aime pas parler ». Ah oui, mais tu devrais te développer. Lui, c'est peut-être une tapette. Mais ça ne veut pas dire que le reste du groupe, puis soit donc normal, comme t'es, soit naturel. Puis ceux qui n'ont rien à voir vont finir par s'en aller. Mais tu vas voir qu'il va en rester un crime de paquet, qu'ils vont rester là. Bien plus qu'on peut s'attendre. Fait que celui qui est isolé, que tu sois complet, il devrait rester ce qu'il est, là où il pense que les gens sont le mieux. Puis s'il a peur que ces gens-là s'en aillent, qu'ils restent comme il est, s'ils s'en vont tous, bien, autant qu'ils s'en aillent, il aurait passé combien d'années de sa vie avec du monde avec qui il n'avait rien à faire. Comment aller chercher de l'énergie en allant à la messe de minuit? La meilleure chose, c'est d'y aller puis d'intelligencer tout le rituel, le cérémonial, de voir aussi de quelle façon d'intelligencer toute la mécanique et toute la soirée. J'en dis pas plus, mais c'est la façon d'aller chercher de l'énergie. Tu as dit que l'Église était un lieu satanique. Eh oui. Est-ce qu'il y a danger de... C'est pour ça qu'ils font brûler de l'encens, pour que Satan puisse s'en aller. C'est ça. Mais l'idée, c'est que si tu vas là, l'énergie, quelle énergie est-ce que tu absorbes? Si tu intelligences les choses, tu vas apprendre à connaître l'humain, tu vas apprendre à connaître les égrégores astrales, tu vas pouvoir te rendre compte que l'humain est bon fondamentalement, que l'humain va là, il y en a quelques-uns qui viennent là, vous savez, mais tu vas quand même te rendre compte que l'humain fondamentalement est un pacifiste, c'est un être évolué, c'est un spiritualiste ou un espiritualiste, tu vas intelligencer différentes mécaniques, tu vas aussi devoir lutter un peu contre la compassion à un moment donné. Parce que tu vas te rendre compte que l'humain, il se fait avoir, mais il se fait berner totalement. Puis là, il faudra même que tu comprennes la mécanique des choses. Tu vas voir aussi toute l'intelligence qu'il y a sous-jacent au rituel par rapport à l'information que tu as déjà. Tu vas voir que ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Tu vas observer un paquet de choses comme ça. Et vas-y, puis sois donc bien. Puis il y a une masse d'énergie là-bas qui traîne un peu partout. Les gens veulent pas en prendre, les gens veulent tout en donner à Noël. Tu y vas, puis tu es bien, tu ramasses tout, tu t'en vas, c'est correct, tu rends tout le monde heureux. Est-ce que l'Église est une espèce de paratonnerre? Un accumulateur? Non, le clocher est un paratonnerre. Mais l'Église, la dimension satanique de la question, c'est est-ce que ça sert d'accumulateur d'énergie négative que les gens vont déverser? Non, c'est que les théologies sont toutes à caractère esclavagiste, ce qui fait que dans l'Église, on place un égrégore de l'encens des champs pour éliminer la chaîne. Alors, par différence de potentiel, l'être humain se sent totalement libéré. Mais les religions sont pas libératrices, les religions sont frauduleuses, c'est-à-dire qu'ils rendent l'homme esclave. Alors, quand l'humain sort de l'Église, il ne faut plus qu'il fasse de péché, fasse attention à ci, fasse attention à ça, il faut qu'il fasse ceci, fasse cela, donne cela, dit ceci, prie avant, prie après. Sauf tel ajout, tel autre jour, tel autre jour, tel autre jour, tel autre, est-ce qu'il n'y a plus de peau? C'est ce qu'il faut fasse. Quand il rentre à l'Église, et là maintenant, on s'agenouille, on prie, on a du plaisir, on a du fun, on nostalgie sur Jésus-Christ qu'on a tué. Et puis, on a des chants, une odeur particulière, tout le monde ensemble, on a tout réchauffé, tout bien correct. Et puis, tu as des vitrailles qui fait que tu ne vois plus dehors, c'est coloré avec les couleurs, puis les dessins dedans, ça amène une autre forme particulière. Tu es totalement déconnecté donc du monde de la réalité, tu te plantes dans une paradisiation astrale, ce qui fait que l'être humain se sent totalement libéré. Alors, l'Église, c'est cela, prier chez vous, c'est pas bon. Dans le contexte religieux, il faut prier à l'Église. Et à l'Église, ben, pendant que l'humain est totalement libéré, s'il ne sait pas, c'est que toute la structure ontoformique de l'Église est bâtie en fonction de canaliser toute l'énergie qui est libérée là-dedans pour l'envoyer dans le monde de la mort, donc dans le ciel. Quand tu ressors de là, tu es libéré pour pas longtemps. Tu ressors de là, tu retombes dans les mêmes lois, des mêmes chicanes de famille. Dans l'Église, on se pardonne. Quand on sort dehors, on recommence. Alors, l'Église devient donc libératrice dans ce sens-là. Mais c'est un phénomène satanique. Puis pour régler le problème, et puis on a tous ces chants, le rituel, etc., qui tassent le phénomène grégorien noir. Puis là, il reste évidemment la différence de potentiel qui est blanc, puis l'humain se sent immédiatement libre. Avec sa Bible, c'est un peu la même chose. Avec la Bible, du moins qu'il nourrit, les grégoires se tassent un peu. Les Grégoires, oui. Les Grégoires, ça tasse un peu. Et puis, ben c'est vrai, vous savez, si quelqu'un connaît ici un Grégoire, c'est vrai qu'à lire une Bible, vous allez voir, il va se tasser. Alors, ça fonctionne. Mais est-ce que, techniquement, un individu qui va à la messe de minuit reste, demeure dans l'attitude mentale, observe le rituel? La meilleure chose qu'on veut faire, c'est de ne pas y aller. C'est la meilleure chose. Maintenant, quand y aller, là, tu peux te nourrir un peu. Mais la meilleure chose, c'est de ne pas y aller. Les symptômes de dire « je me suis nourri énergétiquement à la messe de minuit », quels sont les symptômes que je peux observer chez moi pour dire « ça a marché ou ça n'a pas marché » ? Il n'y a pas grand-chose à observer. Si tu sors de là et tu n'es pas drainé en énergie, si tu es assez déjà pénible, c'est correct. Si tu sors de là et tu es joyeux et tu es heureux, mais encore, je répète une fois que c'est beaucoup plus simple de ne pas y aller que de commencer à chercher comment y aller en abreuvant. C'est beaucoup plus simple de ne pas y aller. Les gens, ils vont y aller. Ça chiale tout avant de partir, la majorité des cas. Rendus là-bas, ils sont libérés. Mais dans le temps des fêtes, j'entends tellement de gens dire « Ah, ben moi, je suis tout de même avant les fêtes. » Non, ils sont toujours de mauvaise humeur. Alors, fête donc pas. Puis va donc pas à l'église. Puis change donc de religion. Toute la famille y va, laisse-la y aller. Déboule l'escalier en sortant. Mais t'as parlé que... Et hop, cascade. Là, tu rentres en dedans. Puis là, tu dis que t'as mal à une jambe, tu peux pas aller à l'église, tu sais, là. Tu as parlé que le solstice d'hiver, début janvier, était une période propice de prendre des décisions. Mm-hmm. La période des fêtes qui précède est une période propice peut-être pour prendre de l'énergie. Oui, mais il ne faut pas méditer pendant la période des fêtes. Ce que je veux dire, c'est que pendant le 23, le 24, le 25, le 26, méditons pas sur ce qu'on fait dans la vie. Jouissons. Passons le temps. Déplaçons-nous temporellement, jusqu'au 27. Okay. Après ça, on pourra commencer à penser à la vie. Avant ça, on risque de se faire colorer devant Z. Le fait de rester neutre dans un contexte énergisant, émotif, chrétien, c'est déjà... tu gagnes de l'énergie parce que tu n'en perds pas. C'est déjà ça. C'est déjà ça, qui est déjà beaucoup. Surtout que les gens en donnent plein. Tu peux en ramasser en masse, en masse, en masse, en te couchant de bonne heure, en relaxant, en jouant de la flûte, en écoutant ton morceau favori. Mais n'écoute pas de morceaux de Noël. Il y a des petites choses comme ça là, qu'il faut faire attention. C'est évident, c'est pas que c'est cosmiquement mauvais, mais pour celui qui se conscientise, qui veut se détacher de l'égrégore, il rentre encore dans toute la mécanique au complet. Regarde, comment peux-tu comprendre que d'année en année, on répète le même maudit morceau ou les mêmes maudits morceaux, puis ça paraît toujours plaisant, mais c'est toujours plaisant d'une date à une date. Après ça, c'est achalant, c'est écœurant, c'est stressant. Je vais faire jouer, moi, Père Noël, en plein milieu du mois de juillet, puis il n'y a personne, tu es malade, t'embarques dans mon automobile le 24 de décembre, puis je te fous ma cassette de Père Noël, c'est correct. Mais après les fêtes, j'en mets la même cassette, tu ne prends plus, ça ne rentre plus, ça va plus. Cette musique-là n'est pas bonne. Mais dans un cadre de manipulation particulier, tu acceptes, elle devient plaisante, elle rajeunit, c'est génial. Puis du moment qu'on t'a têté suffisamment, remets la cassette, ça va, ça va plus partout. Il n'y a pas un disque de Noël qui joue plus que quelques jours. C'est la même chose. On mute. Alors, si on mute, mutons, tant mieux. Si on n'est pas comme les autres, les Juifs, ils ne fêtent pas Noël, puis ils n'en sont pas plus mal. Ils profitent des rabais après Noël pour acheter le cadeau. Il y a la fête du jour de l'an aussi au Québec qui est... Ouais, ben, le jour de l'an, c'est un peu moins pire. C'est un égrégore. De la manière qu'on le fait ici, c'est un égrégore assez québécois. Mais encore là, on devrait s'arranger pour... soit, si on veut fêter dans un égrégore, ce serait de fêter dans un égrégore qui a plus de caractère supramental. Ça reste une fête égoïque, une fête astrale. Ça reste un assujettissement, mais au moins, tu es dans un néotype. Comment fête-t-on supramentalement? T'écoutes des cassettes de Daniel Kemp. D'autres questions comme ça? Non, je pense que la publicité est faite, là. Ça va. Bon, beaucoup de jeunes ont du mal à connaître leur direction sociale et gagner leur pain. Programmes-tu un horaire où ce serait efficace pour eux de les rencontrer quelques secondes et leur éveiller une indication? Quand on va me poser suffisamment de questions dans le genre, c'est évident qu'on va programmer un horaire pour les rencontrer. Ça, c'est officiel. Qui sont les délégués du comte de Saint-Germain? Y a-t-il rencontre physique? Pas dans la majorité des cas, parce qu'ils ne le savent même pas qu'ils sont délégués. Puis dans certains cas, oui, ceux qui le savent se rencontrent. Ils ne se rencontrent pas tous, parce que ce n'est pas nécessaire. Quand on marche par intelligence, c'est un peu la même chose. Si on se lance en affaires, parce que l'affaire de l'évolution, c'est une affaire. Hein? On peut savoir combien d'argent qui se promène là-dedans. Et à un moment donné, bien, il y a des personnages qui sont affiliés au comte de Saint-Germain, qui ont des travaux à faire. Puis c'est vraiment pas nécessaire qu'ils sachent ce que les autres font. Ça n'a rien à foutre. Fait qu'ils ne se rencontrent pas, ils se voient pas, c'est du temps perdu. Ceux qui ont à travailler ensemble se rencontrent. Tous les autres, ils se connaissent même pas, puis oh, ils veulent rien savoir. Les plus évolués là-dedans savent qu'il y en a d'autres. Les plus évolués savent qui sont les autres. Mais il n'y a pas de rencontre qui se fait entre les individus, à part dans certaines parties planétaires. Il y a des rencontres physiques qui se font. Vous avez déjà d'ailleurs assisté à une rencontre physique de certains délégués du comte de Saint-Germain, ici au centre. Personne ne l'a vu, mais vous avez assisté. Certains leur ont même serré la main. Je veux faire le choix de femme nouvelle. Pour ce choix, est-ce que je dois savoir où j'existe dans mes futurs possibles? Parce que je n'ai pas réussi à parler ou écrire aucun futur, ainsi que ma mort. C'est parce que son est sur un endroit où elle pivote présentement. Et c'est pourquoi elle n'a pas réussi à rien écrire, parce que finalement, dans ce pivot, elle n'a pas enligné quoi que ce soit. Donc, elle ne peut pas déterminer un avenir possible, parce que présentement, aucun avenir possible n'a été arrêté pour elle, même s'il y en a des myriades. Peut-être que là, si elle recommence, elle va pouvoir commencer à écrire là-dessus. Peut-être que non plus. Si elle ne peut pas rien écrire là-dessus, ça ne veut pas dire que l'avenir ne l'attend pas, ça veut dire qu'elle est encore en pivot. Elle bifurque. Alors, ça ne sert à rien d'aller écrire un paquet d'affaires quand tu n'es pas arrêté encore. Elle bifurque. La meilleure chose, c'est donc de s'associer à ce qui est transmis par les autres, qu'elle vibre comme étant le plus intelligent. Alors, lentement, elle va arrêter sa bifurcation vers quelque chose qui lui semble intelligent. Elle restera disponible à être libre à un moment donné. Et puis, à un autre moment donné, elle pourra refaire le travail, puis elle aura une idée. Présentement, ce qu'elle devra faire, c'est que si elle ne peut pas voir un futur possible, elle peut sans doute sentir et vibrer un futur possible transmis par quelqu'un d'autre. Alors, si ça lui vibre ça, c'est correct. Et puis, à un moment donné, elle va pouvoir aussi commencer à le déterminer. Donc, elle sera dedans, au-dessus là. Justement, je complète sur la base de ce que tu dis, de la même personne. Les futurs que je vibre sont les bouts que toi, tu dis. Est-ce que je suis manipulé par mon ego qui ne veut pas se voir mourir, car maintenant, il s'illusionne d'être fusionné? Mais une chose est sûre, c'est que d'un côté comme de l'autre, l'ego tripe. Oui, c'est ça. Mais la personne n'est pas fusionnée. Puis que l'ego trip, ça fait partie de l'ego lui-même. C'est tout à fait normal que l'ego trip. Et moi, je n'ai absolument rien contre que l'ego trip. Ce que j'ai contre, c'est quand l'ego, dans son trip, vient colorer notre conscience. Ce que je fais, moi, c'est extrêmement plaisant pour mon ego. Bon, alors tant pis, tant mieux. Ça n'a aucune importance. Au moins, il ne me nuit pas. Alors, quand je vais dans le bois, mon ego aime ça. Parfait. Quand je vais dans la neige, mon ego aime ça. Parfait. Quand il n'y a pas de neige, mon ego aime pas ça. Qui mange de la neige. Moi, ça ne me dérange pas. Alors, c'est tout ce qu'il y a. Que quand l'ego trip, c'est correct. Tant qu'avoir un problème à l'intérieur de nous, si il devient notre allié par le fait qu'on a réussi à l'instruire de se diriger vers où ce qu'on veut aller, c'est évident qu'il va triper. Il n'y a pas de problème, là. C'est qu'il ne vienne pas nous déranger, qu'il ne vienne pas souffrir chez nous. Si un membre d'un couple vibre, qu'il doit laisser l'autre. Seulement le membre d'un couple. Doit-il attendre que l'autre soit prêt à être laissé? Ou s'il est plus intelligent qu'il ne demande pas la permission? La meilleure chose que l'on devrait faire, ce serait de tout faire pour être ce que nous sommes. Vous commencez à vibrer, vous êtes différent, soyez donc comme vous êtes. Et plus vite on devient, on laisse exprimer ce qu'on est, plus vite il va commencer à s'adapter. Quand on commence à changer un petit peu, si on laisse exprimer, il y a une petite adaptation à faire. Quand on attend, pouf, on commence à exprimer, bien là, il y a peut-être un an d'adaptation à faire. Et plus on attend. Parce que bien souvent, on est convaincu que autrui nous nuit, mais c'est parce qu'on ne l'instruit pas de ce que nous sommes. Donc, nécessairement, il résiste à ce que nous pensons être, que lui pense qu'on se prend pour quelqu'un d'autre. Alors, soyez donc ce que vous êtes, puis il va fuir s'il y a lieu, il va s'adapter s'il y a lieu. Mais soyez ce que vous êtes, comme vous êtes, c'est tellement plus simple. Pour gagner au 649, tu n'as pas à choisir le bon numéro. Le numéro que tu as choisi, l'astral doit le faire sortir, ce qui est différent. Si l'hasard ne veut pas que tu sois riche, que tu prennes des 649 ou que tu fasses des compagnies, comment le devenir si tu n'appartiens pas à un faisceau aristocrate ou si l'hasard trouve tes projets trop inintelligents pour qu'ils marchent? Les riches sont ceux, justement, dont... Les projets ne favorisent pas l'intelligence. Tu devrais changer ton fusil d'épaule si tu veux être riche. Bien, présentement, je ne suis absolument pas pauvre, puis j'ai pas changé mon fusil d'épaule. Puis une chose qui est certaine, c'est que toutes les nations qui sont devenues riches, ça a toujours été des nations qui ont privilégié l'intelligence. Et quand on dit les riches ne privilégient pas l'intelligence, c'est totalement faux. Il est bien évident qu'une personne qui hérite d'une richesse, possiblement, ne privilégie pas l'intelligence. J'en connais un paquet, moi, de riches où je reste, puis plus ils sont riches, plus l'euro autour de leur automobile est grand. Alors, ils signent à la gauche, ils tournent à droite, ils arrêtent n'importe où, ça stationne 3-4 pieds dans la rue. Ils ont une grosse aura comme s'il y avait un gros camion. Bon. Maintenant, ces riches-là, ce sont des riches qui ne sont pas devenus riches. Je ne dis pas, moi, par exemple, toi, tu as un poste au gouvernement et puis on te donne un grand salaire, mais ce n'est pas ce que j'appelle un riche. Par contre, toutes les personnes, femmes ou hommes d'affaires, qui se sont lancées en affaires et qui sont parvenues à être riches, c'est que tous ceux qui ont bâti la Rome l'ont légué aux enfants. Et comme ça prend un laps de temps avant que la réincarnation se fasse du point de vue cyclique, quand eux autres sont venus, la Rome était déjà plus là. Les uns et les autres avaient envahi la Rome, et la Rome était carrément finie sous le poids de l'expérience archétypale, l'expérience mémorielle de la construction de la Rome. L'Europe, la Gaule, ça a déjà été génial. La Gaule, non, mais la France, oui. L'Angleterre, même chose, jusqu'à temps que ça tombe aristocratiquement effoiré sur les mémoires de ceux qui l'ont bâti. Les États-Unis, parlons de Thomas Jefferson, parlons d'un paquet de bonhommes qui sont passés là, qui ont eu suffisamment d'argent, qui ont inventé. Albert Einstein, c'est de l'intelligence. La richesse, il l'a eu en masse. Il y avait un salaire intéressant, mais on lui donnait tout aussi. Et si on lui donnait tout aussi, c'est parce que ceux qui étaient en haut qui avaient la finance, on avait de l'intelligence en masse pour comprendre que le bonhomme, là, il ne pense pas à faire de l'argent, mais ce qu'il fait là, on a besoin, c'est intelligent pour y en donner. Il y a toutes les structures qui ont été construites sur l'intelligence. Les structures qui ont été léguées, qui n'ont pas été léguées à de l'intelligence. L'intelligence n'avait pas été préparée à être léguée. Alors, il n'y a aucun problème, on ne change pas son fusil d'épaule. Prends la chaîne McDonald's. C'est absolument génial. Seule l'intelligence peut bâtir une structure comme ça. La seule chose qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, quand les frères McDonald's vont mourir, ça va être légué, là, tu vas voir à un moment donné que ça va tout se défaire. Ça va se maintenir un laps de temps, mais ça va tomber. Il y a autre chose avec qu'on doit savoir, c'est que du point de vue de la richesse, du point de vue de la matière, il y a des cycles. Il y a un cycle de départ. Le cycle de départ peut durer un certain laps de temps, c'est-à-dire que ça dépend de l'inertie proportionnelle à l'inertie de l'ego. Donc, l'affaire ne marche pas tant que l'ego ne marche pas. Il y a une inertie de départ qui est assez longue. À un moment donné, ça va très, très, très, très bien. Ça va très, très, très bien. On n'est pas encore dans l'apothéose de la structure, mais on va bien. Et à un moment donné, on va sentir que là, on est dans la gloire totale. Ça, c'est l'apothéose. Suite à ça, il y a toujours l'apocalypse. Alors maintenant, tout va super, super. Qu'est-ce qu'on fait si on est intelligent? On part d'autres structures. Elle va s'effouérer. Ça, tu peux en être certaine. On part d'autres structures, puis on cancelle celle-là. On ne la laisse même pas s'en aller. On arrête. Là, les gens qui ne comprennent pas vont dire, « Bien, pourtant, tout allait si bien. » Puis là, le gars ou les personnes, ils ont changé de camp. C'est ça, être neuf. Tu montes, tu as tout ce qu'il faut. Maintenant, de là, repars. Ne continue pas là. Attends-toi pas à ce que ça reste tout le temps. Ça ne restera pas. Il y aura toujours une descente. Tout à l'heure, on parlait du centre. Il y a eu un moment donné où je vibrais son apothéose. Dans la structure actuelle, c'était l'autre côté. Et bon, il y avait un conseil d'administration, il y avait des gens, bon, etc. Il y a le système de la démocratie qui fait qu'on a pensé que, mais ça fait comme ça, du point de vue énergétique. Alors, c'est la même chose au niveau des fusils d'épaule. Ça ne vaut pas la peine de changer de fusil d'épaule puis de s'en aller vers une intelligence. Absolument pas. La majorité des gens qui ont énormément d'argent que je connais sont intelligents, à part quelques autres, mais ceux qui ont de l'argent et qui ne sont pas intelligents, ben, je les connais pas. Et je ne veux pas y connaître non plus. On doit monarchétyper l'évolution alors que la société est à l'inverse démocratique. L'intelligence est-elle toujours contraire à la masse? Non. La masse est toujours contraire à l'intelligence. Donc l'intelligence est contraire à la masse aussi? Non. Une nuance. Oh, je vais peut-être la chercher. Comment peut-on savoir à quelle place qui nous va ou peut-on faire très simple. Sa formation? Très simple. Très simple. Très simple. Ouais. Quand tout va tout seul, c'est notre trou. Hein? Puis quand ça ne va pas tout seul et facilement, c'est pas notre trou. Alors, par essai et erreur ou par formation, quand ça nous vibre, la formation, c'est notre trou. Quand ce qu'on veut faire, ça se fait bien, il n'y a pas trop de difficultés, il y a toujours des choses qu'il faut qu'on fabrique, sinon ça se ferait tout seul. C'est bien évident, elle partirait une compagnie, ça doit travailler un peu dedans, sinon la compagnie se partirait tout seul, par rapport à vous autres. Mais on essaye des choses, puis quand ça commence à lutter là, ça fait 4 fois que tu annonces un produit dans une place, ça marche pas, continue pas là, c'est pas là. Mais peut-être que c'est pas le bon produit, t'essayes différentes choses, ça marche toujours pas. Casse-toi pas la tête, balance-moi sa poubelle. Un autre ramasse, il fait une annonce, puis ça se vend tout plein. C'est pas que t'as manqué ton coup, c'est que lui, c'est lui qui veut le vendre le produit, pas toi. Mais tu peux continuer pendant des années à chercher. Faut que ça se fasse, tu fais un minimum. La recette est celle-ci. Mais la recette, elle est dangereuse, je la donne, mais espérons qu'on va l'oublier. Puis la recette, c'est très simple, c'est que tu détermines au prime abord la limite de travail que tu veux faire pour obtenir un résultat. Alors, tu veux vendre un produit, tu dis, bon, alors moi, je vais commencer par acheter, disons, 1 000 $ de ce produit, qui est une calculatrice, ce nouveau modèle. Et je veux mettre tant en publicité, je veux mettre 6 mois de travail au niveau temporel, je veux en vendre X temps. Mais là, je dis pas, moi, j'aimerais toutes les vendre. Non, non, non. Pour déterminer si c'est ton trou ou pas, je dois vendre, disons, la moitié de mon inventaire en dedans des 6 mois. Je dois avoir 3 magasins ou 3 distributeurs qui vont accepter de passer mes calculatrices avant que je les importe. Je dois faire ceci, et je me mets une marge relativement raisonnable pour quand même donner à l'astral et à la matière le temps de s'adapter à ce que j'ai besoin, si c'est ce que je veux. Et là, je fais ceci. Ça, je le placarde quelque part, je le garde. Et puis maintenant, je commence mon affaire. Et puis, à un moment donné, quand je me rends compte que ce que j'ai déterminé pour dire « je continue » ne semble pas arriver, c'est pas mon trou. Mais là, je peux dire « bon, est-ce que j'aurais fait un effort encore? » Bien, si tu veux refaire un effort, fais attention, c'est comme une minoune que tu as achetée. Tu as mis 5 000 dessus, le démarreur ne marche plus, tu remets 500$. 2 semaines après, l'alternateur arrête, tu mets 450$. Après ça, c'est les freins qu'il faut changer. Après ça, on peut tirer longtemps en maudit alors que c'est pas le bon genre. Alors, si tu veux redonner un coup de pouce, tu redétermines, mais là, intransigeant, tu redétermines exactement ce que tu as besoin. Quel est le coup de pouce que tu veux donner? Tu mets ça là. Puis, le moindrement que ça ne rentre pas encore dans les cordes, tu fais un X là-dessus, tu repars d'autre chose. C'est pas ton trou. Simple, c'est pas ton trou. Alors, tu t'en vas dans des études à l'école, et puis tu te dis, bon, est-ce que c'est là que je dois étudier? Le problème, c'est quoi la note que tu veux avoir si c'est là que tu as étudié? Mais pas 100 sur 100, c'est ça la débilité astrale. Mais, bon, je veux avoir 72%, moyenne générale. Ça serait correct. Bon, 72%, tu l'écris. Combien d'heures par semaine dois-tu étudier pour avoir 72%? Je ne dis pas, bien, pas pantoute, mais non. Tu dis, bon, par semaine, disons que j'étudie 2 heures par jour, ça me donne 14 heures par semaine, mais je mets 14 heures par semaine, je ne vais pas dépasser ça pour arriver à mon 72. Parfait. Et tu détermines des choses comme ça. Ça, c'est une vérification par l'intelligence de ton trou. Il y a moyen encore bien plus facile, c'est tirer à pile ou face. Mais la majorité des individus, égoïquement, ne peuvent pas supporter ce genre de mécanique. Alors, la meilleure chose, c'est de déterminer des paramètres. Tu ne vas pas plus loin que ça. Je n'y vais pas. Si c'est mon trou puis que l'intelligence veut que j'y aille, moi, je fais ça. Prouve-moi que c'est là que je dois aller, je vais faire ma part. Et ça marche. Une personne peut dire, ouais, mais ça marche pas, ça fait 25 affaires que j'essaye, là, puis que je fais mon truc, là, puis je me rends toujours compte que c'est pas à bonne place. Mais c'est ça, ça marche. C'est pas à bonne place. C'est simple. Eh oui, mais je pourrais pas savoir immédiatement qu'est-ce que j'ai à faire. Oui, tu pourrais le savoir, mais on te le dit régulièrement, puis ton ego le refuse régulièrement, ce qui fait que tu dois marcher au minimum comme ça. Là, tu peux détecter si c'est ton trou ou pas ton trou. Dans une structure, tu comprends, tu vibres, ça va, c'est ton trou. Tu te lances en affaires ou tu te lances en famille ou n'importe quoi, c'est très, très, très, très simple. Je ne vais pas me chicaner plus que 30 fois par semaine. Sinon, c'est pas là, faut que je reste. Si c'est là que tu vas être, fais-toi-en pas, tu ne chicaneras pas plus que 30 fois par semaine. C'est immanquable. Mais si tu te chicanes plus, c'est parce que c'est pas là que tu vas être, c'est simple. C'est simple. Mais il faut que tu mettes des paramètres en affinité avec ton évolution. Moi, je veux marcher sur les eaux, sinon j'ai pas envie, c'est, j'ai pas envie de cette planète Terre. Tu as marché sur les eaux. Oui. Tu as 15 pieds en dessous de toi, 25 en haut. Tu as marché sur les eaux pareil. Tu vas vivre sans terre. Tu vas mourir noyé. Alors, il faut que tu t'organises pour avoir quelque chose de correct. C'est comme tu dis, je n'ai jamais tiré du fusil, puis si je me lance dans telle affaire, eh bien, les yeux fermés, je tire, puis j'atteins en plein centre de la cible. Bon. tu élimines toutes les possibilités ou à peu près. Il faudrait que tu sois réellement important pour l'intelligence, puis il faudrait qu'il y ait juste ce trou-là pour qu'elle envoie la balle à la bonne place, parce que s'il y a 150 trous, non. Mais tu vas dire, tu mets une cartouche dans le berrier d'un revolver, ou tu en mets trois, puis tu te dis, bon, ben, je fais tourner, puis il faut que j'aille au moins un coup qui part sur trois essais. Comme c'est un six coups, ben, c'est assez équitable, c'est comme c'est rappel ou face, mais tu joues. Tu tournes ton barrière, puis un autre coup. L'intelligence va pouvoir te dicter si la balle est dedans ou pas. Un autre coup. Puis tu t'essayes, clique. C'est égoïste. Tu as dit une fois sur trois, tu recommences. Puis m'a donné un coup qui part. Ben voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais ce que j'ai déjà dit encore plus précisément, tu prends une pièce de 25 cents, est-ce que je dois ou ne pas? Disons, est-ce que je dois y aller ou ne pas y aller? Pile, j'y vais, face, j'y vais pas. Tu lances ta pièce, tu arranges, snack. Face, j'y vais pas. Hey, merde, je vais recommencer. Non, recommence pas, vas-y. C'est simple, ça veut dire que tu y ailles. Alors, au moins, tu tranches. Un néophyte qui joue à roulette russe, il dit, si le coup passe, c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est ça. Mais le pire, le néophyte, c'est quand il joue à roulette russe avec un arc. Bon, suivant. Où peut-on faire sa formation et à qui faut-il s'adresser pour s'associer? Ah, on va voir Mario Gosselin. À qui, bon, où on peut s'adresser, il faut simplement que vous en parliez. C'est évident que si je vous parle de ceci, c'est qu'il y a déjà des choses qui sont structurées, qui fonctionnent déjà. Ça ne coûte pas 25 cents, par exemple. Par contre, ça rapporte un peu plus que 25 cents. Il y a des moyens d'avoir accès à n'importe quoi. Pour la formation, on cherche un peu partout, on se renseigne, on s'informe. Ça peut être à travers ce que je vais faire, ça peut être à travers ce que d'autres choses se font ailleurs sur la planète, parce que tout ce qui existe déjà, je ne le recopie pas. Si c'est déjà bon, ben, il n'y a aucun problème, on s'inscrira à ces cours-là. Il faut qu'on se forme là, ça ne vaut pas la peine de tout refaire ce qui est déjà là. L'individu a juste à faire son cheminement. Une chose certaine, c'est que si j'en parle, c'est qu'il y a des structures qui sont déjà établies, qui sont déjà là. Et puis, si ce n'est pas le temps d'en parler cette semaine, ça peut être quand on va revenir en janvier, mais c'est évident qu'il y a des structures qui sont déjà là. Puis quand la structure n'est pas là, puis qu'elle n'existe pas dans la région proche de ce qu'on est ou pas pendant toute la planète, bien, on doit rencontrer des gens, puis on doit établir la structure. Puis, en ce qui concerne moi ou ceux avec qui je travaille, bien, s'il y a une structure nouvelle qui est intelligente à établir, pas de problème, on établit. Chose certaine, c'est que ne faites pas juste frapper à la porte. Entrez. On est trop occupé pour vous répondre. Parle-nous de la loi 101. Bourassa va-t-il faire en sorte que la langue française soit protégée ou non? Ah ben, Robert Bourassa, il va faire ce qu'il va faire, hein? C'est franchement, si ça serait réglé dans 2 ou 3 000 ans, je serais intéressé d'en parler. Mais on a juste à attendre quelque chose qu'on va le savoir. Bon, ce soir, il va patiner autour de ce qu'il dit. Il va peut-être compter des buts, mais c'est pas sûr. Puis on va voir après. Mais là, de toute façon, il est bien mal pris. Hein? Mieux vaut être à notre place qu'à sa place. Parce que s'il protège la loi 101, il perd ses prochaines élections possibles. Si elle protège pas, il perd ses prochaines élections possibles. Si elle protège, il peut se faire descendre. Si elle protège pas, il peut se faire descendre. Il va essayer de la protéger sans la protéger, puis de les protéger en la protégeant, ce qui est assez complexe. C'est le phénomène auquel on assiste quand même, quand on est rendu qu'il faut faire des lois pour protéger sa langue. Mais non, on n'a pas besoin de lois. On a rien qu'à parler français. Je l'ai déjà dit. C'est tellement, tellement, tellement simple. Tu vas dans un endroit et te répondre en anglais. T'achètes plus là. C'est pas, t'as pas besoin de loi. À un moment donné, moi, j'étais chez Eaton, puis j'ai rien contre la langue. Je suis aux États-Unis. Je parlais anglais, aucun problème. Au Guatemala, viens pas parler en français et guatémaltec. Parle-y en espagnol. T'es pas capable à parler. Je m'en vais magasiner, puis j'achète avec la carte, puis etc. Puis finalement, ben, elle me donne tout ça en anglais. Ben, j'ai excusé, mais je vais avoir ça en français. Ah, ben là, Bon, ben, je cancelle l'achat. Ah, ça les fait travailler en maudit, ça, c'est ça. Moi, je cancelle l'achat pareil. Je vais l'acheter ailleurs. C'est pas question d'ego, c'est question simplement de phénomène énergétique. C'est tout. Je rentre des magasins anglais. Je m'attends à être servi en anglais. Je rentre des magasins français. Énergétiquement, j'aime bien être servi en français. Puis c'est pas question de politique ou quoi que ce soit, c'est simplement question pour moi de mécanique énergétique. Alors, c'est simplement comme ça. On n'a pas besoin de loi. La loi, c'est pour les imbéciles. On met une loi pour obliger ceux qui veulent protéger la langue. On veut les obliger à la protéger, la langue. Moi, je suis français, puis je veux garder ma notoriété française, parce que sinon, torieux, tu sais, quand je mets mon char dans le parking, là, puis que c'est écrit en anglais, là, il faut que moi, je vote une loi pour que la loi m'oblige à plus dire parking. franchement, si je veux réellement protéger ma langue, j'ai rien qu'à peut dire parking, j'ai pas besoin de voter une loi. Quand t'as un magasin qui s'écrit en anglais, vas-y pas. Il paraît qu'on est en majorité les Français au Québec. Les Anglais vont être capables de vivre si on magasine plus chez eux? Ils sont en minorité, eux autres. Ils pourront plus, hein? S'ils veulent attirer la clientèle, c'est des êtres humains d'affaires, ça. S'ils veulent attirer la clientèle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont annoncer en français? Mais c'est le problème des Québécois, c'est qu'ils sont grégaires, mais ils sont pas solidaires. Ben oui, tout ça. Ben, ils vont finir par apprendre. La loi 101, ça fait quoi? Si elle n'est pas applicable ou elle n'est pas appliquée, ben, les Québécois, s'ils veulent arriver à se former, il va falloir qu'ils commencent à se tenir debout. Pas en cassant des vitres. Ça, c'est imbécile qui casse des vitres. Si tu casses une vitre, écrit en anglais dessus. Ça va faire quoi? Ça va faire que l'anglais, il va simplement mettre une vitre un peu plus solide, puis il va écrire deux fois plus gros en anglais. C'est une guerre d'égo. Faut plus m'inquiétiner chez lui. C'est pas un cave. Il a beau vouloir, c'est pas un cave. Les Québécois ont appris à parler l'anglais. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont arrêté d'être caves, d'être des porteurs d'eau régulièrement. Tu apprends à parler l'anglais, tu vas faire avec tout un continent qui est anglais. Mais si chez vous, tu veux qu'on parle français, ben tu affiches en français. Les Anglais ne viennent pas magasiner chez vous. Ben, les Québécois, ils affichent en anglais. Non, on est dans la majorité. Affichons en français, puis magasinons plus chez les Anglais. Puis à un moment donné, les Anglais, ils vont commencer à afficher en français, puis ils vont commencer à faire ce qu'il faut pour nous attirer. Puis on va recommencer à aller chez eux pour leur prouver qu'ils ont bien fait. Puis on va recommencer à acheter là. Simple. Mais la langue anglaise n'est pas dangereuse. Celui qui est anglais n'est pas dangereux du tout. Mais si le Québec veut maintenir sa langue, c'est pas en appliquant des lois. C'est très, très, très simple. L'anglais a le droit de faire exactement ce qu'il veut. C'est vraiment pas une problématique. Si un commerçant anglais veut annoncer en anglais, qu'il annonce en anglais, c'est quoi le problème? Ça me fait pas souffrir, ça fout rien. Mais si moi, je vibre pas d'aller là-bas parce que je suis sur un territoire où je dois toujours pallier entre une langue ou l'autre, qu'on se fasse assimiler en anglais ou qu'on reste français, mais qu'on se branche, le bilinguisme, c'est une vraie connerie. Alors, ça vaut même pas la peine de parler du bilinguisme au Québec, qu'on soit anglais ou qu'on soit français, mais qu'on soit un ou l'autre. Et puis, on a un territoire assez grand. Sur une majorité, il y en a un qui a pu acheter au niveau de l'anglais. Puis les Anglais, ils vont s'ajuster à nous autres sans qu'on ait affaire de guerre ou de crise, etc. Dans 6 mois, tous les commerçants anglais, ils vont tout afficher en français. Ces Français vont plus acheter ces jeux. Tu as des régions où ce que c'est avec les Anglais qui, là, ils vont continuer à afficher en anglais. Qu'est-ce que ça peut nous déranger? On n'a rien à foutre avec ça. Je magasine jamais là. Qu'est-ce que ça peut nous déranger? Que Westmond affiche tout en anglais, que le nom de rue soit en anglais, qu'est-ce que ça peut me faire? Ça me dérange pas du tout. Puis si je décide de vivre à Westmont, ben moi, j'ai rien qu'à m'adapter aux Anglais qui sont déjà là, ils sont déjà là. Qu'est-ce que tu veux que ça me dérange? Mais quand je m'en vais dans un centre d'achat ou quand je reçois une publicité, ben on est en majorité français, la publicité est en anglais, je n'achète pas chez eux. Puis c'est fini là. Puis t'as même pas besoin d'écrire de lettres de fête. Tu mets ça aux poubelles, puis tu rentres pas dans le magasin, c'est fini là. Soyons simplement sereins et calmes, puis il n'y a pas de problème. Puis si les Anglais arrivent à vivre sans qu'on aille magasiner chez eux, ben impeccable, partout ce qu'on va magasiner, ça va être français. Pourquoi on a ce qu'on s'entête? Simplifions les choses. Simplifions-les. Pas mettre une loi. Une loi qui va faire que tout le commerce ne rentrera plus ici avec par guerre d'égo. Voyons donc, on va redevenir des porteurs d'eau. On n'a pas, c'est pas une loi qu'il faut qu'on mette. Il faut que tu saches que quand tu vas au Japon, ben, ils font en courbette. Tu trouves ça niaiseux? Bon, ben, fais en courbette pareil, ils font en courbette, eux autres. Les autres, et en plus, ils se courbent, puis si t'es pas courbé, ils restent là, ils attendent. Mais là, tu te dis, égo ou pas égo, je suis pas passé la journée ici, tiens, oui, donc, si on est. Mais c'est pas question de loi ou de ci ou de ça, c'est en balance. Le Japonais, il fait ça de même, t'es fait. Bon, il arrive ici, tu parles en anglais, tu parles en français, tu parles en anglais, tu parles en français. Si tu veux importer de quoi des États-Unis, parle en anglais. Tu es rendu ici, tu vas leur dire, il n'y a qu'un problème, c'est que la gang est tellement idiot que si on ne met pas des termes en français dessus, ils n'en acheteront pas. Ils sont en affaires, eux autres, ils vont mettre ça en français. Puis ils mettent ça dans deux langues. Ben oui, tu peux dire, on met ça dans deux langues. C'est bon qu'on mette ça dans deux langues, sur une étiquette. Parce que quand tu l'envoies au Canada avec, ben le Canada, il pilonnait que français. C'est pas le choix. Parce que l'Américain, il ne mettra pas ça juste en anglais, hein, ou une partie en anglais, une partie en français. Il peut vouloir mettre les deux, parce qu'au Québec, tu as les deux. Mais si les Québécois vivent juste en français, c'est pas long que ça va rentrer ici en français avec. Mais tu parleras anglais pour faire affaire avec eux autres, parce que le gars est aux États-Unis, il n'est pas pour apprendre le français pour aller vendre une minorité. La minorité doit s'adapter à la majorité. Mais quand on arrive sur ton territoire, moi, quand je vais chez toi, si tu fumes, ça ne me dérange pas. Quand tu rentres chez moi, tu ne fumes pas. Il n'y a pas de cendrier. Ou bien non, je te mets dans la chambre de bain, lui la femme. Là, tu as l'impression de fumer à la grande cachette. Tu ne fumes pas. C'est simple. Ça ne me dérange pas que tu fumes, mais bah, c'est simple. Fait qu'il n'y a plus personne qui vient boire. Fais ça que tu veux. T'es un fumeur. C'est ça, t'es un fumeur. Où vas-tu faire tes conférences du mois et les cours PMC? Les conférences du mois vont se faire dans des hôtels, comme la prochaine, c'est Holiday Inn Richelieu, qui est Berry et Sherbrooke. Et puis, les cours PMC, on va les faire dans des salles, avec des chaises, des tables, un tableau. Il n'y a pas de problème, mais c'est évident que les gens vont être avertis en temps et lieu. Il y a d'autres structures, il y a beaucoup de choses, beaucoup de surprises potentielles qui s'en viennent, intéressantes. Mais faites-vous-en pas pour ça, Une salle, c'est une salle. Hein. C'est de la matière physique. Il y a en masse de salles partout ailleurs. Il y en a qui sont plus adaptés, d'autres moins adaptés. On va s'arranger. Hein? Quel est ou quels sont les signes que je deviens mon seul maître, c'est-à-dire que j'assume, que je supporte mon être-té? Quand la personne ne posera pas cette question-là, elle sera plus loin ou plus proche? Plus loin? Oui, elle peut avoir beaucoup d'ego puis s'illusionner. Ah. Quand même, aussi, elle peut être plus proche. Elle n'a plus besoin de poser cette question-là. Est-ce que le comte de Saint-Germain a une plurilocalisation de son corps physique? Non, mais par contre, de sa conscience, oui, à travers plusieurs corps physiques. Est-ce que le faisceau lazaréen passe par notre soleil? Quelle différence avec les autres faisceaux? Oui, il passe par notre soleil. La majorité des faisceaux planétaires passent par notre soleil, sauf quatre faisceaux, trois et demi, qui ne passent pas par notre soleil, qui passent par d'autres soleils. Pourquoi 14 faisceaux? Ce nombre est-il arbitraire? Oui, ce nombre est arbitraire en ce sens que 14 faisceaux, j'ai expliqué un peu ce sur quoi je crois que c'était vendredi. Que les faisceaux, on a expliqué un peu aussi tout à l'heure, qu'en réalité, c'est une brume, et selon la capacité qu'a un récepteur de capter une ou plusieurs longueurs d'onde différentes, parce qu'il y a plusieurs faisceaux qui peuvent habiter un être humain, mais un faisceau majeur, eh bien, ça détermine un nombre de faisceaux. Et il y a aussi des faisceaux plus mineurs, plus ectopiques, qui viennent aussi à l'échelle de la planète Terre, ce qui fait que quand on parle de 14 faisceaux, il y a 12 faisceaux majeurs, un 13e et un 14e à l'époque nazaréenne qui étaient majeurs, mais il y a d'autres faisceaux qui traversent aussi la planète Terre, c'est-à-dire d'autres saveurs énergétiques captées par d'autres êtres humains, qui peuvent donc déterminer l'idéologie, l'idée qu'on a une autre forme de faisceau. Alors, il y en a beaucoup plus que ça, il y a quelques centaines de formes différentes d'énergie assimilées, mais il y a 12 formes majeures d'énergie physique, plus faisceaux. T'as parlé de processus effusionnel bloqué. Est-ce que ça peut avoir la dénomination d'entité, le processus effusionnel bloqué? Non, être-té, oui. Être-té. Oui, s'il est bloqué, il accumule suffisamment de mémoire à un stade suffisamment stagnant, raisonnablement stagnant, ce qui fait qu'il peut cumuler suffisamment d'informations à un moment donné pour avoir un ego et une identification d'être-té, donc ça devient un être. T'as parlé de phénomène de constitution de double éthérique au centre de la galaxie, selon des mécanicités énergétiques différentes des nôtres. Quel va être le rapport entre les doubles éthériques humains et ces doubles éthériques de la galaxie? C'est similairement la même chose, sauf que les doubles éthériques galactiques vont servir... Bon, le terme est assez intéressant. Ça va servir de véhicule collectif. Ces véhicules collectifs-là vont être... Tu comprends ce que ça veut dire? Avant de poser une autre question. Ben justement, je voulais préciser cette notion-là de véhicule collectif. Moi aussi, je veux en savoir plus. Fait que pose des questions, tu n'as rien. Bon, le double éthérique qui est constitué est engendré par rapport à une entité ou à un être existentiel selon la notion d'être-té. Le double éthérique est un véhicule qui permet le transport de la conscience. Un double éthérique est un véhicule qui peut permettre dans une extension séraphique, un transport séraphique d'un système galactique à un autre. Au centre de la galaxie, il y a des créations de doubles éthériques plus volumineux. Au centre de l'univers, il y a la même chose. Au centre du super-univers, il y a la même chose. Ce qui fait qu'à un moment donné, ces doubles éthériques peuvent cumuler chez eux une quantité relativement intéressante de doubles éthériques primaires. Ça devient donc identique à un vaisseau spatial d'une envergure plus grosse. Alors, ça permet d'accumuler la circulation ou le véhiculement de plusieurs phénomènes de conscience d'une façon beaucoup plus rapide à cause de la synergie et d'une façon beaucoup plus profonde à travers la création. Est-ce qu'une somme de plusieurs faisceaux énergétiques peuvent constituer ce double éthérique-là dans le temps? Non. C'est une saveur énergétique. Et ceux qui abordent un double éthérique cosmique doivent être du même faisceau. Est-ce que si la constitution est Oui. Au fur et à mesure que se constitue ici, sur la Terre, des doubles éthériques, est-ce qu'il y a un transfert énergétique associé à... Comme on l'a déjà expliqué, il y a un transfert qui s'en va vers ces mondes-là, étant donné qu'il y a eu des tentacules qui ont été créés pendant l'effusion planétaire, ou l'effusion universelle, l'effusion créationnelle, alors il y a évidemment des énergies qui s'en vont là. Mais il y a aussi l'expérience solaire, l'expérience galactique qui continue aussi à créer ce genre de mécanicité-là, et le double éthérique est un phénomène d'énergie vitale, qui est de la mémorisation d'énergie, l'accumulation d'énergie fusionnelle. Et dans certains mondes, il n'y a pas eu suffisamment de densification pour engendrer des égos. Alors, il n'y a pas de manipulation pernicieuses à travers l'énergie vitale, ce qui fait que les dobétériques sont constitués régulièrement à travers l'expérience, même des effusions subséquentes qui se font sur ces phénomènes-là. Et il y a aussi de temps en temps une transmission énergétique à travers des transports séraphiques inconscients chez les individus dans des mondes évolutifs, en l'occurrence comme le plan planétaire, qui leur envoie aussi de l'énergie, qui colore ce phénomène-là de façon à l'associer, à l'ajuster à l'énergie planétaire des humains en voie d'évolution. Dans un laps de temps qui s'en vient, il y aura à un moment donné des réunions au sommet qui se font à travers ces dobétériques-là. Présentement, dans la mécanicité des fusions, il y avait des réunions de conscience qui se faisaient là. Donc, dans des vieux livres, on peut parler de caucus, c'est-à-dire on parle dans comme la cosmogonie durantia, là, disons, c'est un phénomène assez coloré. Alors, on parle d'un paquet de monde où il y a des réunions de personnes de ceci et de cela qui déterminent des choses, qui envisagent des plans cosmiques, patati patata. On parle simplement de ce qui engendre le phénomène créationnel des mondes évolutionnaires, et ça fait partie de la gestion des dobétériques cosmiques. Mais tous ceux qui dirigeaient avant ces phénomènes-là sont tous présentement infusés à travers des mondes évolutionnaires, donc ce n'est plus, et il reste la forme. Il y a une partie de l'énergie, ça va recommencer d'ici peu à retourner vers ces choses-là. Est-ce qu'il peut exister un faisceau? Non, oui, tout ça peut. Est-ce qu'il existe dans la galaxie un faisceau de nature uniquement énergétique bouddhique, un faisceau pur d'énergie? Non, non, non. La source d'émission d'un 15e faisceau, étant donné que notre galaxie est liée à 6 autres galaxies qui sont elles-mêmes référentielles à d'autres univers liés aux nôtres. Oui, parce que les chiffres, c'est... Oui, mais c'est en tout cas conceptuellement une façon de se comprendre. Ouais, okay. Est-ce que les faisceaux qui sont émis, comme le 15e faisceau, émanent d'une des autres galaxies? Est-ce qu'il y a un jeu de transmission énergétique? Oui. D'où vient le 15e faisceau, qui est celui qui entre présentement en expression, son origine extragalactique et de quel niveau énergétique? Ben, le niveau énergétique est un niveau énergétique qui ressemble énormément au niveau énergétique de Luc. Ça ne dit pas grand-chose. C'est un niveau énergétique qui n'est pas... C'est pas quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est un faisceau énergétique qui est intéressant en ce sens qu'il amène à l'être humain, à la conscience humaine, de la nouveauté galactique, c'est-à-dire qu'il amène à l'être humain une expérience qui n'est pas colorée, qui n'est pas colorée par sa personnalité, sa perception. En plus, c'est un phénomène énergétique qui n'est à peu près pas divinisable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le personnaliser ou le personnaliser en fonction des vieux archétypes, pour la simple raison que la majorité des faisceaux qu'on a présentement, sauf les néo-faisceaux, c'est les faisceaux nouveaux qui vont être créés par transmutation des archétypes des vieux faisceaux. Il y en a un qui est presque accompli, un autre qui est très en avance aussi. Les autres, ça reste quand même néotypal, archétypal plutôt des vieux faisceaux. Alors, quand un faisceau comme ça arrive ici, il crée une perturbation dans l'ego des gens qui sont en affinité avec la conscientisation intelligente, donc avec un contact supramental. Un faisceau est toujours d'ordre supramental dans son arrivée. Par la suite, il s'ajuste au monde dans lequel il pénètre, donc il devient astralisé ou vitalisé ou physiquisé, matérialisé. Donc, ce 15e faisceau est un faisceau perturbateur en ce sens qu'il brise des formes, il fait éclater les égos, il amène un phénomène neuf qui n'est pas nécessairement en relation avec l'évolution humaine sur la planète Terre, mais qui est en relation avec une communication d'informations qui provient d'un autre monde, qui n'a pas nécessairement vu les fusions comme nous l'avons connu et qui n'a pas non plus vu le phénomène évolutif comme nous le connaissons. Donc, c'est un phénomène intéressant en ce sens qu'il permet de melchisédiser, de catalyser l'évolution supramentale de certains individus par le fait qu'il amène de l'information supramentale d'une autre galaxie, étant donné que l'énergie supramentale est une mémoire galactique. C'est intéressant d'avoir accès à un autre phénomène. Donc, ce faisceau est un faisceau qui est catalysant. On peut donc appeler ce faisceau Melchizedek. On parle d'entité solaire, d'entité planétaire. La galaxie est une entité. Oui. Il y a donc plusieurs entités dans l'univers où nous sommes. Est-ce que l'univers est une entité lui aussi? Oui. Quelles sont les conditions d'involution et d'évolution d'une entité? L'entité involue en ce sens que c'est un être, que c'est une instantanéité, que c'est une intentionnalité qui devient instantanéité, qui devient à un moment donné expérientielle, qui devient personnelle, qui devient donc identifiée, qui devient une être-té. Lentement, elle devient tellement dissoute, effusée, qu'elle n'est plus une être-té, elle devient une entité. Et l'entité, c'est dans la définition, disons, terminologique, le plus bas niveau. La planète Terre, la matière, la roche, l'atome est une entité. Et par la suite, eh bien, il y aura accumulation d'énergie, accumulation d'expériences mémorielles qui va réengendrer le phénomène de l'être-té, qui va faire en sorte que le phénomène va s'identifier. Alors, on aura l'identité et non pas l'entité. Et à travers cela, on aura l'être-té, puis on recommencera la même mécanique jusqu'à temps qu'on revienne à l'intentionnalité. Donc, ça te va? Oui. Bon, moi aussi. Alors, ce soir, comme je l'ai dit vendredi, ne fêtez pas Noël. Mais amusez-vous. Alors, c'est ça, la prochaine conférence, c'est le 13 de janvier, c'est l'intelligence supplémentaire et la réussite. Ça donne au Sheraton de Laval. Celle qui suit est à Longueuil et au Holiday Inn de Longueuil, l'autre après au Holiday Inn de Richelieu. Et vous allez avoir des informations en ce qui concerne la conférence du mois et tout le tralala. Il n'y a rien qui se défait, il y a juste quelque chose qui s'améliore. Alors, on verra maintenant l'amélioration à travers ce que vous pouvez supporter.